Chapitre 10e, nonobstant paroles et exemples. À la suite de cet entretien, il fut naturellement beaucoup question des douceurs de la vie de famille, dans un pays ayant gardé ses coutumes anciennes, ses clochers et ses bois. On en parla d'autant plus que Loïs était follement épris de Gilonne et que le mariage des deux jeunes gens avait été décidé d'un commun accord entre les familles. Monsieur le conseiller Périnel offrit aux époux Gilles de demeurer sous son toit, attendu qu'ils n'avaient plus de cabane. Mais les bûcherons choisirent de mourir comme ils étaient nés et de faire reconstruire leur cabane. Il y eut un beau mariage, en effet, à l'église métropolitaine, et célébré par le frère Hildebert, qui leur fit un maître sermon où il maudissait le règne de la matière et l'esprit de nouveauté. Après quoi, et comme les voyages de noces n'étaient pas encore inventés, les jeunes époux embrassèrent leur famille pour se retirer dans une honnête maison d'été qu'on leur avait fait construire à la campagne. Mais au milieu des embrassades, comme l'un et l'autre ne manquaient pas de loyauté, ils ne purent se retenir de confesser qu'ils partaient non pour la maison de campagne, mais pour un voyage. « Pas pour un long voyage, j'espère !» s'écria chaque membre de la famille. « Nous ne savons pas, » dirent-ils déjà loin. « Nous partons pour un voyage autour de la planète. » On les accompagna, pleurant jusqu'à la porte de la ville, non loin du tilleul, au carrefour des quatre chemins où reposait Gilette, la pauvre victime de la locomotion outrancière. Et à la grande stupéfaction de tous, on les vit monter, mais aussi tranquillement que dans une bonne calèche de grand-père, on les vit monter dans le fameux carrosse vert attelé des deux lézards géants. Cet extravagant véhicule était conduit par le cocher Rougeau, à côté de qui se tenait le valet de pied. Tous deux furent incommodés par les énormes queues dont les extrémités brimbalaient jusqu'à leur nez incliné du côté opposé. De l'ahurissement qu'un tel spectacle provoquait, une chose sauva les esprits. Ce fut un bruit étrange, comparable à celui du vent de l'ouragan et de la meule transportée par la trombe meurtrière, et qui faisait relever les têtes, ici comme là-bas, dans les profondeurs de la foule. C'était la cage contenant le singe et les deux perroquets. Cette cage volait, sans aile ni secours d'aucune sorte, au-dessus du peuple pressé. Elle volait à la vitesse d'un gerfaut lancé contre sa proie, et elle produisait, dans l'air transpercé, une sorte de sifflement de sirène. Les trois animaux y furent toutefois parfaitement identifiés à la grande joie des enfants. Et cette cage, avec son contenu, vint d'elle-même s'asseoir sur le toit du carrosse vert, où le valet de pied, adroitement, l'assujettit avec des liens. Et la voiture repartit à l'allure ordinaire de ses fantastiques coursiers. Frère Hildebert, venu jusque-là, s'écria « Dieu les bénisse, ils ont le diable au corps !» Ainsi s'achève « Le carrosseau de lézard vert » de René Boislève.